plein de plans, les gros, les vieux bouches, les gros qu'on lui visite, de Delphine, de Mama. A chaque fois les flics me lâchent, mais ça ne change rien, ce sont des fils de lâches. Regarde, où la rage nous mène. J'étais obligé de trouver le rap à la calache. Brouillonner ma gueule. Me laisse pas une taille de whisky sans glaçon. Laisse pas Emile Louis sur l'île de la tentation. Je marche avec ma clique, je pense avec ma bite. Si je réincarne en prison, je chie sur la tête d'un flic, frelo. Si le rap ça coule, je fais des films porno. Je plane sur rap comme un gratte-ciel. Pour les vif, traîner comme un trophée dans les rues de bataille. Wesh Renoir, what you know about that? Maman va pas me pardonner. Charlamose official, distributeur de drogue mobile. M. Cela, j'en posais votre arme et venez un peu de courage. Me fumer peut nuire à votre santé, votre entourage. La rue laisse du skate. J'ai rien d'idyllique, je pense avec mon skate. Je marche avec ma clique. Radalé, soir corps remis.